À Notre-Dame-des-Landes, comme ailleurs, seul un territoire en lutte peut s'opposer à la normalisation industrielle agricole. C'est un texte qui a été publié sur le site zat.nadir.org le 4 février 2018, qui est donc à retrouver sur le site. Agriculteurs et agricultrices, membres de comités de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport, depuis 2012, nous nous apprêtons à venir le 10 février au rassemblement de Notre-Dame-des-Landes pour fêter l'abandon du projet d'aéroport et pour continuer à maintenir ensemble le rapport de force nécessaire à la vie de la ZAD face à l'État et son administration. Deux questions qu'on se pose dans nos fermes. Ces dernières semaines, depuis l'abandon du projet, collectivement, nous lisons, regardons, écoutons des informations qui nous arrivent de la ZAD. Un aspect nous a marqué. On lit et on entend, venant de différentes composantes du mouvement, que la ZAD va pouvoir devenir une zone de vie agricole expérimentale, selon les uns, ou une zone agricole enfin normale, selon les autres. Dans les deux cas, nous qui nous battons dans nos fermes pour nous opposer aux réglementations et normes créées par la cogestion agricole, administration, industrie, syndicat, visant délibérément à l'élimination de l'activité agricole autonome et donc à notre élimination, puisque nos vies y sont profondément liées, nous sommes choqués et nous nous interrogeons. Pourquoi, dans le premier cas, ceux et celles qui portent les activités agricoles de la ZAD, quelles qu'elles soient, historiques ou plus récentes, et ceux et celles qui vivent à la ZAD, ne poursuivent-ils pas, avec le mouvement d'opposition, entre autres, à l'aéroport, la lutte contre la normalisation industrielle agricole? Cette lutte s'étend actuellement dans les campagnes. Pourquoi devrait-il s'en extraire en s'intégrant à une bulle expérimentale, environnementale et sociale, prochainement cogérée avec l'administration? La cogestion que nous connaissons depuis longtemps dans le milieu agricole conduit, et c'est son but, à discréditer et à faire apparaître comme inutile ou dangereux ceux qui luttent. Elle cherche à étouffer les conflits et à affaiblir, entre autres à Notre-Dame-des-Landes, le mouvement social existant qui maintient jusque-là avec succès un rapport de force avec l'État. Pourquoi, dans la deuxième hypothèse, retrouver la normalité agricole que nous connaissons bien pour la subir au quotidien? Alors même que nous constatons que nos activités sont en train de perdre tout leur sens, tous leurs bras et toute leur capacité à nous permettre de vivre quelque part en s'éloignant de l'industrie. Et cela sous l'accélération depuis 20 ans de l'emprise du contrôle normatif et réglementaire agricole. D'autant que nous constatons dans les discussions que nous organisons, qu'elle se généralise et a le même effet dans toutes les activités primaires. Qui peut penser que l'activité agricole de nos jours, habillée des fameux slogans et clichés sur les terres nourricières, la beauté du métier, la qualité du terroir français, les petites fermes plutôt que les grosses, la vente directe règle tous les problèmes, l'agriculture française bien plus sûre, les cultures ou élevages vivriers, chacun pour soi, c'est la joie, ou l'agriculture qui innove et s'adapte aux changements du monde en sera l'avenir, tout ça serait en soi un projet politique émancipateur. puisque la réalité du rapport réglementaire et industriel imposé à toutes les fermes, les plus grosses aux plus petites, même vivrières, avec ou sans subvention, nous fait ressentir dans nos chairs que ce n'est que de la propagande commerciale ou militante pour rassurer les bénévoles, les consommateurs urbains ignorants ou les ruraux au mode de vie hors sol, et améliorer la balance commerciale des États et d'une partie des producteurs, gros ou petits, qui acceptent de laisser leurs voisins disparaître. Ce que nous refusons de donner aux capitalistes et à l'État. Vous avez, avec l'aide de nos comités de soutien, régulièrement présents à la ZAD, réussi à créer un rapport de force qui a permis de maintenir, de créer ou de recréer l'envie de la vie agricole hors des réglementations, des normes, des contrôles, pour pouvoir commencer à en vivre en commun, quelque part, en comprenant cet endroit. Cela a été possible parce que vous n'étiez pas seul, et surtout en lutte. La vie agricole commune, pour exister tout au long de l'histoire, n'a été possible que par la lutte perpétuelle. C'est une de ses conditions. Nous vivons actuellement dans les campagnes, dans les fermes, des situations catastrophiques. Harcèlement réglementaire, normatif et judiciaire. Contrôle administratif avec des gendarmes à répétition. Saisie de troupeaux. Interdiction de vente sur les marchés pour non-respect des normes administratives. Sanctions pour refus de contrôle. Internement forcé dans le cadre des protocoles suicides. Du coup, plus de 10 000 fermes disparaissent chaque année, laissant derrière elle des ruines, des vies de salariés ou des morts, et bien sûr des sociétés agricoles qui s'agrandissent en employant des opérateurs. Les suicides se multiplient ces deux dernières années, étouffés par les médias et l'administration. Plus de 1 000 par an. 3 fois plus que dans toutes les autres catégories professionnelles. Parce qu'on ne se détache pas, on ne se reconvertit pas d'une vie agricole. Ce n'est pas un emploi, c'est une vie. Et c'est celle-là que nous refusons de donner aux capitalistes et à l'État. Les États alliés de l'industrie achèvent d'éliminer les dernières résistances par celles de vie paysanne pour achever leur travail de concentration productive capitaliste. Ils s'y prennent depuis 20 ans, grâce au conseil de l'OMC, de manière habile et efficace. Et cela sous couvert de normes sanitaires et environnementales trompeuses, de réglementations soi-disant protectrices des populations et de la planète, qui sont le miroir aux alouettes d'une prétendue qualité alimentaire. Ce qui permet de passer sous silence l'industrialisation forcée à laquelle elle participe activement. Allez voir le merveilleux modèle allemand d'agriculture écologique, où plus un animal ne vit dehors, où s'alignent des kilomètres de bâtiments agricoles gérés par des technologies écolo, et où travaillent quelques opérateurs. En France, depuis 60 ans, dans les campagnes, l'élimination de 90% des agriculteurs a été planifiée et co-gérée par l'État, l'industrie, les syndicats. Ne croyez pas que cette pression administrative et industrielle n'atteint que les systèmes agricoles enchaînés aux banques et aux coopératives. Toutes les fermes la subissent et en meurent ou s'y plient, subvention à la clé ou pas. Des secteurs commerciaux pour petites fermes, avec un rapport industriel au vivant, se multiplient. Jérôme Laronze, éleveur en Saône-et-Loire, qui s'opposaient à ces réglementations les dénonçaient ainsi. L'hyper-administration n'apporte rien aux agriculteurs sinon que de l'humiliation et des brimades. Cela ne rapporte qu'aux marchands et aux intermédiaires. Mon cas est anecdotique, mais il illustre l'ultra-réglementation qui conduit à une destruction des paysans. Les syndicats soutiennent la paysannerie comme la corde soutient le pendu. Jérôme Laronze est mort le 20 mai 2017, sous les balles des gendarmes. C'est le même combat, la suite indissociable de la lutte contre l'aéroport. L'isolement des fermes et la cogestion syndicat-État du monde agricole ont depuis 50 ans étouffé les luttes agricoles opposées à cette élimination des vies qui étaient auparavant hors des filières économiques dans la plupart des campagnes. À Notre-Dame-des-Landes, vous n'étiez pas isolé jusque-là, parce que vous étiez en lutte. Ce qui est la seule possibilité de faire exister des communautés dans notre époque. Vous avez jusque-là refusé la cogestion avec l'État, malgré vos divergences, face à la nécessité d'enrayer leur démocratie industrielle. Vous avez engagé le conflit. Ne le lâchons pas. La nécessité reste la même pour enrayer la normalisation agricole. C'est le même combat, la suite indissociable de la lutte contre l'aéroport. Ne nous laissez pas, nous, agriculteurs et agricultrices d'autres campagnes, seuls à continuer cette lutte. Nous avons besoin de vous comme vous de nous pour amplifier le rapport de force. Ce pourquoi on se bat dans nos fermes, vous avez commencé à le gagner sur la ZAD. Ne l'abandonnons pas. Ne prenons pas le risque de le perdre, de perdre la vigueur, l'expérience, les pratiques du mouvement existant. Ce serait aussi nous appuyer sur la tête dans nos luttes agricoles plus isolées. Primes agricoles ou pas, vous serez soumis au contrôle administratif qui tente d'entraîner nos activités vers un rapport industriel ou vers l'interdiction. Dans quelque temps, s'ils sentent que la négociation est possible, ils vous demanderont que vos activités soient déclarées, les animaux enregistrés et munis de leurs papiers d'identité, bouclés et vaccinés, et pas mélangés avec d'autres troupeaux. Leur naissance, déplacement ou mort devront être déclarés dans les 7 jours. Vos cultures seront répertoriées, vos revenus ou déficits contrôlés, les semences certifiées, les haies, arbres isolés ou ruisseaux photographiés et mesurés, vos étables, fromageries, tueries, conserveries, cuisines, véhicules devront être agréés. Vos fromages, légumes ou viandes analysés, tracés, étiquetés. Vos énervements verbaux, révoltes seront signalées, évaluées, puis internées. Petit à petit, le temps, le regard, les liens aux animaux, aux plantes, aux proches, aux voisins avec lesquels vous vivez tous les jours, deviendront, sous la constante pression, doucement et nécessairement comptables, gérés, frustrants, puis salissant, culpabilisant, comme dans beaucoup d'autres aspects de la vie industrielle. Vous découvrirez, ou vous le savez déjà, que vous vouliez ou pas vous plier à toutes ces normes, que la vie agricole est depuis 60 ans parmi les plus administrées, orientées, contrôlées et réprimées qu'il soit. une vie tout autant contrainte, harcelée et dirigée qu'elle l'est dans les banlieues et dans les grandes villes. Au fond des pâtures et de la forêt, l'État a pris place. La loi voudra toujours s'imposer, vie expérimentale ou pas. Ne laissons pas l'État et leurs représentants détruire, contrôler ou agréer vos cabanes, maisons, granges, étables, cuisines, les évaluer, les trier entre celles qui sont intégrables ou pas, bénéficiant d'une dérogation expérimentale ou inacceptable, leur donner des statuts entre propriété, location, squat, ou permettant une installation agricole, outil pédagogique pour les stagiaires, touristes, utile pour les chercheurs, mais aussi tenter de définir les zones possibles ou non de leurs implantations, dans une démarche de concertation et de partenariat avec les représentants de la zone afin d'établir un schéma environnemental de protection et de développement durable du territoire, évidemment. Tenter de normaliser ou de folkloriser leurs architectures, dessiner des micro-frontières, des micro-statuts entre les habitants et habitantes. L'État n'est pas légitime pour s'imposer comme intermédiaire dans les choix et relations de vie commune, de voisinage, habitat ou activité. Il en est le plus grand destructeur. Nous vivons trop souvent ces tensions où les conflits sont réglés par les lois et l'argent, plutôt qu'entre les personnes concernées pour savoir que ces règlements, normes, exacerbent les conflits le plus souvent, en créant des morales, des rôles, médiation et représentation qui nous empêchent de nous comprendre et de créer société. Nous sommes la société. L'État en est le parasite. En tant qu'agriculteurs et agricultrices, nous savons cela, qui est marqué dans nos chairs et dans l'histoire de nos familles et de nos proches. Ce n'est pas le danger d'expulsion mené par les gardes mobiles venus de l'extérieur, face auquel on peut tenter de résister collectivement, qui vous menacera, mais la pression des voisins qui s'inquiètent pour leur tranquillité, leurs affaires ou leur légitimité vis-à-vis de l'administration. Ce seront eux, parfois anciens compagnons ou compagnes de lutte, qui vous menaceront à cause de votre proximité ou de vos choix illégaux. Ce sera moins spectaculaire qu'une tentative d'expulsion. Le petit courrier arrivera poliment à votre nom, avec les injonctions de mise aux normes, puis les sanctions tomberont individuellement dans la discrétion administrative. Les possibilités de réaction collective seront limitées par la peur des autres, désormais pris et dépendant des mêmes mailles réglementaires que vous. Ils vous conseilleront d'abord avec attention. Vous proposeront de vous aider à vous mettre aux normes. Puis, ils vous isoleront ou vous dénonceront pour ne pas créer de soucis à toute la zone et à la structure juridique qui la gère. Zone expérimentale ou pas, la loi veut s'imposer, en force ou insidieusement. Toujours. Ces situations dont nous recevons les récits, ou face auxquelles nous tentons de nous opposer, arrivent tous les jours à des dizaines de fermes qui se croyaient hors d'atteinte ou bien cachées. Il n'y a que des territoires qui se maintiennent en lutte ou des réseaux qui se soutiennent, qui peuvent créer le courage, les moyens matériels et le rapport de force pour s'opposer massivement et durablement à cette élimination de la vie agricole autonome. Nous nous battons individuellement par endroits, collectivement ailleurs, en réseau partout, en tous les cas où nous habitons, là où nous avons construit des attachements nécessaires à la vie agricole, qui tente de s'écarter du rapport industriel. Nous vous appelons à continuer ou à nous rejoindre dans cette lutte, dans ce rapport de force que nous construisons pour vous commencer à sortir de la normalisation, individuellement ou collectivement, ou avant qu'elle vous convainque, vous attire, vous rassure ou vous contraigne, puis vous écrase. Il n'y a rien à gagner dans nos vies, activités et luttes, surtout à court terme, à la ZAD, à répondre à leur chantage, qui n'est qu'un leurre. Il n'y a pas de place, au bout, pour des activités libres. Individuellement, nous sommes souvent contraints à ce chantage et aux contorsions. Collectivement, il y a beaucoup plus à tenter, à affirmer et à défendre. C'est maintenant que le mouvement qui s'est opposé à l'aéroport peut affirmer qu'il portait aussi cette lutte pour des vies agricoles non administrées, non contrôlées, s'éloignant de l'industrie. Si ce mouvement est cohérent, et s'il ne se berce pas d'illusions du type agriculture alternative, 4.0, innovante, responsable, raisonnée, durable, bio, source de vie. Pour le renouvellement industriel, 50% du marché bio appartient déjà au groupe industriel depuis quelques mois. Alors il doit s'emparer de la nécessité de faire vivre des vies et des activités primaires autonomes, hors des normes, en les revendiquant et en nous organisant pour les rendre inarrachables de la ZAD. Des activités qui nous permettent de vivre en commun et de combattre le capitalisme. Ou bien alors, ce mouvement fracturé va-t-il préférer, par facilité ou naïveté, se contenter, se plier doucement face à la pacification étatique, ou céder au calcul de ceux et celles qui voudraient s'approprier l'avenir de la zone, ou s'attrister de ceux et celles qui se comportent en victimes sans s'être préparés à la confrontation suivante, construisant cette lutte à avoir conduisant cette lutte à avoir engendré une zone expérimentale pour le capitalisme agricole de demain. S'il faut négocier à un moment, cela ne peut pas être sans un rapport de force préalablement préparé, partagé avec le mouvement large qui a permis de gagner les premières batailles. Ne pas lâcher ce qui est gagné, accentuer le rapport de force. Nous appelons les comités de soutien à ne pas se laisser endormir par cette victoire réelle et dont il faut nous nourrir, mais qu'on nous brandit sous condition de normalisation expérimentale afin d'étouffer notre lutte en chemin. Celle-ci doit continuer à s'ancrer en accentuant avec le plus grand nombre la lutte là où elle a gagné une belle bataille, et ne pas immédiatement chercher à négocier la place de certains ou certaines, ou rechercher une autre zone de lutte, au risque majeur de devenir perpétuellement soit administré, soit hors sol. Nous faisons la proposition au comité de soutien et à tous et toutes les habitants et habitantes de la ZAD de maintenir le rapport de force avec l'État et les organismes qui préparent l'avenir de la ZAD contre le mouvement en lutte, en manifestant leur colère devant, dans et autour des directions départementales de la cohésion sociale et la protection des populations. SIC, la DDCSPP, représentant du ministère de l'Agriculture qui tente de nous broyer et de normaliser à la ZAD comme dans nos fermes. devant, dans et autour des mutualités sociales agricoles, les MSA, qui organisent le traitement social de cette normalisation, élimination agricole. Devant, dans et autour des chambres d'agriculture qui sont les courroies de transmission dans les fermes de ces politiques qui veulent dépecer et se nourrir de la ZAD et cracher sur notre mouvement. Ils ont tué Jérôme Laronze le 20 mai 2017. Des agriculteurs et agricultrices du collectif contre les normes. Voilà, c'était le texte à Notre-Dame-des-Landes comme ailleurs, seul un territoire en lutte peut s'opposer à la normalisation industrielle agricole, publié le 4 février 2018 sur le site zad.nadir.org.